Salut Bonatti. Salut Bonatti. Baila, baila. Grate la guitarra. Flamenco dance. Flamenco dance. We'll be right back. j'aurais pas cette délire. On fait pour un délai qui correspond. Hey David. Ah, Tonwell, bonjour Tonwell. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pipax, chaque fois que je vais sur le serveur de Pipax, il veut pas. Il s'en va. C'est qui Pipax? Pipax. Bon, je retourne voir Saddam Hussein. J'aime bien le mec, il a un pseudo, il s'appelle Saddam.